Est-ce que tu fais des petits préliminaires avant, comme toujours, des caresses, des câlins, t'aimes bien ça? Ah bah oui, bah, c'est important, c'est primordial. Des objets, des bouteilles, des... Non, allez. Non, mais sérieusement, mais taquine. Toi, gros con, ouais, là, tu fermes ta gueule. Fermez vos gueules tous les trois, putain. Si je peux discuter sérieusement avec Gégé. Gérard, ouais. Moi, de toute manière, avec Sandy, on se fait des petits câlins. Eh ben voilà, c'est important ça. Et le après alors? Après l'amour, toujours. Qu'est-ce que tu fais après l'amour, Gérard? Le premier truc? Ben, c'est ma clope. Toujours. Ouais. Anka aussi, je crois, avec Marco, hein. Une petite clope après l'amour. Hein. Ouais, minimum une, ouais. Minimum une. Ah oui, okay, le temps de redescendre. Non, c'est vrai, vous aimez bien la clope après, ouais. Ah oui, bien sûr, aussi. Ouais. Hein, une douche, Anka. Une clope et une douche. C'est vrai? Et alors, en a partout. Mais non, mais non. Pas toujours. Enfin, toujours. C'est bien, il y en a certains que c'est que la clope. Anka, c'est la clope et la douche. Et Gérard est bien placé pour le savoir. C'est... Ah bon. Tu prends une douche, toi, après? Ouais. Oui, je me lave, je me lave le sexe. Ah bon, carrément. Ah, t'as du sperme dans les poils et tout, c'est sûr. Ah, putain, moi je reste dedans, mais grave. Oh, mais ça croûte. Arrêtez, putain, mais merde. Mais si, ça croûte. Ça croûte à cause de ce que tu bouffes. Ah, mais putain, mais après tu te laves, là, tu prends une douche. Mais putain, mais je me lève pas, putain, je reste dedans. On dort dedans, bah ouais, c'est clair. On se lève le lendemain matin. Ah là là, attends, sans déconner. Tu mets dedans, t'envoies après une bonne pipe. C'est ta robe qui la baidera aussi. Quoi? C'est la différence, c'est ta ouais. Rome qui l'avait là. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est moi qui l'avais là. Et les fous en boule. Lave tout. Ah, ils m'en foutent. Genre, je les fous en boule, genre. Ah, là. Même s'il y a des ragnagnas, des... m'en fous. Ah, mais je m'en fous, moi. Spécial, ça, ouais. Ah, mais j'ai pas de tabou, moi. Ah, bah, discute avec Gérard, parce qu'il. Ouais, mais pour elle, est-ce que c'est agréable aussi? Bah, oui, bien sûr, parce qu'on est deux. Attends, je vais pas forcer à quelqu'un faire quelque chose. Si une fille a ses règles, ça peut être. Ah, non, mais je parlais en général de trucs, même, tu vois, pas de se laver après, machin. Bon, après, si la mienne, elle a envie, elle fait ce qu'elle veut. Moi, c'est le cas, mais bon. Moi, perso, je bouge pas, je suis tranquille. Non, mais faut dire chose qu'en principe, les nanas, quand on s'est ragnané à ses règles, comme tu dis, elles aiment pas faire l'amour. Hein. Oh bah, moi, je te dis que je les oublie là. Moi, je vais te dire une chose que. À ma copine, non, non, non, ah, non, bah, alors là, je peux te dire une chose que c'est dégueulasse. Ah bon? Bah, faut respecter ce qu'on vit, moi, par exemple, je le fais. C'est ah non, pas, moi, bah, moi non, personnellement. À toi, ça te gêne, toi? À moi, oui. Mais elle, peut-être pas, non? Ah bah ça, on n'a qu'à lui poser la question. Non mais toi, tu dois le savoir. Est-ce qu'elle, ça la gêne, ouais. Sandy aussi, ouais. Ouais, ça la gêne. D'accord. Moi, je sais, j'ai jamais eu une copine à qui ça a gêné. Ou quand ça a gêné, je disais, mais attends, on s'en fout. Ouais, mais ça fait. Tu fais ça une fois, deux fois, puis après ça passe. Ouais, mais. En cas, tu fais l'amour pendant tes relations, tu fais un gna-gna? Pas des masses. Pas des masses. Non. Pourquoi ça te gêne? Ça fait non, mal? Non, c'est pas que ça fait mal, c'est que t'as moins envie parce que. Ah, paraît que ça excite plus des fois aussi. Bah, il paraît, ouais, pour certaines nanas, mais moi personnellement j'ai mal au ventre donc. Ah non, mais d'accord. Ça, ouais, ça, alors ça, ça, c'est un gros dossier. Mal à la tête, mal au dos, c'est un peu fatal. Ça, les règles, ça perturbe. Les nanas, elles deviennent. Et ouais. Moi j'ai des copines qui aussi. Pleuraient pour un rien. Des copines qui pleurent pour un rien. Dès qu'elles ont les ragnagna, d'autres qui font la gueule. Et c'est vrai que moi j'ai pas eu trop le droit encore à la fille, effectivement, maux de tête, pas bien. Mais vous, ça vous dérange pas, les mecs? Ça... Ah, bah, il y a des. Non, mais regarde, il y a des mecs comme Gérard, lui, il veut pas. Déjà, d'office, il y a plein de mecs, moi, qui veulent pas. J'ai déjà entendu ça à l'antenne. Il y a des nanas qui veulent pas. Moi, ça me dérange pas. Vous, du ça tout. Vous dérange? Non, moi, ça me dérange pas, non. Sérieux? Non. Et à aucun moment, vous y pensez? Non. Bah, des fois, les larmes, moi, j'ai déjà mis. Je me suis toujours demandé moi, ça. Moi, je mettais un truc en dessous, elle disait, voilà, on s'en fout. Des sacs Fnac, là, ils sont bien grands. Mais ça dépend quel jour t'es. Ça sort, là, c'est délicat, je connais bien le sujet. De quoi tu parles, là? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, comment ça se passe? Ça dépend si elle est, non, mais ça dépend de la nana. Il y en a, elles ont des pertes plus importantes que d'autres. Donc, effectivement, c'est là, faut faire plus attention. Des fois, tu tâches tout le drap. Bah, c'est pas grave, tu mets ça en boule, c'est la robe qui l'a. Mais ouais. Après, elle me dit, mais c'est quoi ce bordel? Putain, je me suis ouvert le genou. Mais non, c'est du temps, la catalane. Moi, je me suis ouvert et tout. Et alors? Moi, j'en ai rien à foutre. Mais ouais, sur de la moquette beige, c'est cool. J'en ai rien à trof. Allez, pose-moi. Rien à trof. Non, mais franchement, moi, ça me gêne pas. Par contre, si elle veut pas, je respecte. Alors là, je vais te dire, il n'y a pas de problème. Je fais la gueule, je vais me branler sous la douche et je vais me coucher. Par le cul. Voilà. Bah, hein? En même temps, ça peut être bien d'être frustré pendant 2-3 jours, tu vois. Tu dis, bon, je ne fais pas trop parce que c'est un peu gore ou parce que, tu vois, c'est non, un mais peu je respecte. Non, non, je suis pas d'accord. Et ça frustre. T'es pourquoi frustré. Non, non. Pourquoi et du coup, quand tu le refais après, c'est vachement bien. Peut-être, ouais, savoir. 3 jours. Savoir. Ah bon, ça dure une semaine, 10 jours, non? Ça dépend de 15 jours. Non, ça dépend de. Attendez! Ça dépend de la nana. Parce que t'as des nanas, ça dure 2-3 jours, t'en as d'autres, ça dure plus longtemps que ça. 4-5 jours, des fois, c'est vrai. C'est vrai pour la tienne. Quand tu vois qu'il faut attendre une semaine pour pouvoir. Tremper le biscuit. Ouais, tirer son coup, c'est grave. Ah, t'appelles ça tirer ton coup, toi, avec ta meuf, c'est bon, Gérard. Le truc, c'est que t'as pas compris, c'est des hémorroïdes chez ta meuf, Gigi. Ouais, c'est ça, t'as raison. Stop, surtout que j'ai pas encore bouffé, alors c'est bon. Ah là, c'est bon. Merci. Bouffe ta langue, tiens.